Émission en direct et en public de la Cité des Congrès à Nantes pour l'édition 2017 des Utopia, l'édition dont le thème principal est le temps. Et en bons scientifiques que nous sommes, eh bien, depuis qu'Einstein a postulé la relativité générale, nous y avons adjoint l'espace. Parce que si lorsque vous regardez un ciel étoilé par une belle nuit d'été, vous pensez cosmos, galaxies, supernovae, voire ondes gravitationnelles, un homme, lui, était fort angoissé par ce qui se trouvait au-dessus de ses yeux. Un espace froid, vieux de milliards d'années, qui a abrité et qui abrite encore des entités que nos pauvres consciences humaines limitées ne peuvent appréhender. Et pire encore, la Terre sous nos pieds fait partie de ce même univers dans lequel nous ne sommes que des fourmis ignorantes vouées à la destruction par des monstres cyclopéens. L'espace-temps, selon Lovecraft, c'est le vaste programme indicible et tentaculaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parcourir ces éons d'effroi et de déités anciennes et innommables, nous avons le plaisir de recevoir de non moins pauvres mortels que sont Raphaël de Cassagnac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en physique des particules, écrivain, auteur entre autres de Kadat, le guide de la cité inconnue aux éditions Mnemos. Vous avez également collaboré à l'excellente monographie Lovecraft au cœur du cauchemar, publiée par ActuSF avec Bertrand Bonnet. Bonjour. Bonjour. Écrivain également, auteur d'un nombre cyclopéen d'articles et de publications sur Lovecraft. Et Gilles Dumay, bonjour. Bonjour. Auteur sous le nom de Thomas Day, tout récent directeur de la collection Imaginaire chez Albin Michel et ancien fondateur et patron de l'excellente collection Lune d'encre chez De Noël. Précisons enfin que c'est un peu une reconstitution de Ligue dissoute, hein, puisque vous avez tous les trois participé à l'élaboration de la revue Bifrost 73, qui était une revue spéciale Lovecraft en 2014. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur les ondes en direct de la Cité des Congrès à Nantes et sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Mais avant de plonger dans les abysses des cités englouties où n'est pas mort ce qui jamais ne dort, on retourne à Paris retrouver la grande ancienne qui veille sur les derniers soubresauts de l'actualité scientifique. C'est Zoé Sfez pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Et on ouvre ce journal sur ces deux rapports sur le climat parus en début de semaine à la veille de la COP23. Si les émissions de CO2 se stabilisent, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, elle, n'a jamais été aussi haute, Zoé. Oui, deux rapports, deux alertes. L'ONU, d'abord, dans son rapport, rend compte d'émissions de CO2 qui sont stables pour l'année 2016, mais qui ne suffisent absolument pas pour atteindre l'objectif défini par les accords de Paris. Les engagements actuels des États couvrent à peine un tiers des réductions d'émissions nécessaires. L'autre rapport, celui de l'Organisation mondiale météorologique, concerne cette fois la concentration du CO2 dans l'atmosphère. Lui, il est carrément alarmant. La teneur dans l'atmosphère en dioxyde de carbone a atteint le niveau record de 403,3 parties par million en 2016, soit une augmentation de 146% par rapport à ce qu'elle était à l'époque pré-industrielle, c'est-à-dire avant 1750. Des chiffres qui s'expliquent bien sûr par l'inertie des gaz à effet de serre et par notre incapacité à produire moins de CO2, mais aussi par les événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents qui, et c'est un cercle vicieux, vont avoir tendance à s'accumuler puisqu'ils sont liés, même si indirectement, à cette concentration de CO2 dans l'atmosphère. C'est en tout cas ce que note Olivier Boucher, le directeur de recherche au laboratoire CNRS de météorologie dynamique. D'une année sur l'autre, elle augmente plus ou moins, suivant l'importance de ce qu'on appelle les puits naturels, donc à savoir la quantité de dioxyde de carbone qui est piégée soit par la végétation et les sols, soit par l'océan. Et donc l'année dernière, du fait d'un événement El Niño qui fait que la végétation va moins piéger de dioxyde de carbone, il y a plus d'émissions par les feux également, bien, l'augmentation de la concentration dans l'atmosphère a été assez importante, de l'ordre de 3 ppm. Donc c'est la combinaison à la fois d'émissions dues à l'homme et puis d'une modulation par la nature qui est plus ou moins forte selon les années. Donc on craint qu'avec plus de réchauffement climatique, les puits naturels de dioxyde de carbone ralentissent. Et c'est sans doute le cas aussi bien pour le puits de carbone océanique que le puits de carbone continental. Il n'est pas clair qu'on ait déjà atteint cet état où ces puits diminuent. Et donc ce qu'on observe l'année dernière, c'est plus un événement annuel qu'une tendance qui est confirmée. Mais avec plus de réchauffement climatique, si on se rapproche de 2 degrés, 3 degrés de réchauffement climatique, il est clair que les puits naturels de dioxyde de carbone vont diminuer et donc on a en quelque sorte une rétroaction qui fait que l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère sera plus rapide. Et en bref, en Nouvelle-Zélande, le nouveau gouvernement dominé par les écologistes a annoncé la mise en place du premier visa humanitaire pour les réfugiés climatiques, notamment des îles pacifiques voisines de la Nouvelle-Zélande qui sont quasiment toutes victimes de la montée des eaux liées au réchauffement climatique. Initiative qui a été lancée après que plusieurs cours de justice du pays ont refusé le statut de réfugié à des habitants des îles Tuvalu qui sont privés d'eau potable par la montée des eaux. Ce statut doit permettre la création d'une centaine de visas dans les mois qui viennent. En France, Alain Fuchs, le président du CNRS qui vient de quitter ses fonctions pour prendre la tête de Paris Science et Lettres, a adressé dans une lettre d'adieu très virulente un bilan assez dramatique de ces 7 années de mandat. Je cite « continuellement difficile pour la recherche ». Sur le plan budgétaire, Alain Fuchs, qui dénonce un niveau d'emploi global en baisse de 10% en 10 ans au CNRS, la chute vertigineuse du budget de l'ANR et qui fait part de son principal regret. Je n'ai pas suffisamment convaincu la puissance publique de l'importance cruciale de la recherche scientifique pour notre avenir. Enfin, les chercheurs égyptiens, français, canadiens, japonais, du projet Scan Pyramides dont on a parlé dans la méthode scientifique ont publié hier dans la revue Nature les résultats de 2 ans d'exploration de la pyramide de Khéops avec des technologies non-invasives que sont l'infrarouge et les muons. Et ils ont donc annoncé officiellement la découverte d'une grande cavité inconnue jusque-là, repérée par 3 équipes différentes au moins au cœur de cette pyramide, sans s'aventurer pour autant à en définir la nature exacte. Et le deuxième sujet, ce vendredi, Zoé, les astronomes annoncent avoir découvert la semaine dernière le tout premier astéroïde interstellaire. C'est une première importante. En effet, la semaine dernière, les astronomes du Minor Planet Center interpellent toute la communauté scientifique sur les données relevées le 18 octobre dernier par l'observatoire d'Haleakala sur l'île hawaïenne de Maui. Un astre qui passait ce jour-là tout près de la Terre a été d'abord baptisé C2017U1, une nomenclature qu'on réserve aux comètes avant d'être finalement identifié comme un astéroïde. Et il se démarque clairement par l'excentricité de sa trajectoire. Elle est de l'ordre d'1,8, alors que toutes celles des objets qui sont en orbite autour du Soleil ne dépassent pas la valeur de 1. Autrement dit, cet astéroïde, il ne vient pas de notre système solaire, mais on ignore encore d'où il vient, nous explique Nicolas Biver. Il est astronome à l'observatoire de Meudon et spécialiste des comètes. Ce qui s'est confirmé, c'est que l'objet est sur une orbite hyperbolique. C'est-à-dire qu'en fait, il passe dans le système solaire, mais il ne va pas y rester, quoi. En fait, la vitesse à l'infini, quand il sera au-delà du nuage de Oort, elle est encore de 26 km par seconde, alors qu'elle serait de 0 pour tout autre objet qui est en orbite autour du Soleil. Alors, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des objets qui étaient créés autour d'autres étoiles, qui un jour, par hasard, étaient éjectés de leurs étoiles et voyagent à travers l'espace interstellaire et qui un jour croisent le système solaire. Tout comme le Soleil expulse des comètes régulièrement en dehors du système solaire. Mais c'est la première fois qu'on en voit donc un objet qui vient d'autre part et qui traverse le système solaire à assez grande vitesse. Hein. Si vous voulez, la vitesse qu'il aura quand il va quitter le système solaire, c'est la vitesse qu'a la Terre pour voyager autour du Soleil. C'est énorme, c'est plus de 100 000 km/h. Quoi. Il y a eu quelques calculs qui ont été faits plus précisément parce qu'on connaît assez bien maintenant sa trajectoire. On connaît aussi les trajectoires des étoiles qui sont voisines du Soleil. Alors actuellement, il vient d'une direction qui est proche de l'étoile Vega, mais malheureusement... S'il venait de cette direction-là, il y était il y a 300 000 ans. Il y a 300 000 ans, l'étoile Vega n'était pas là. En fait, on n'a pas trouvé d'étoiles ou de systèmes type nuage de Oort autour d'autres étoiles susceptibles de fournir cet objet-là à moins de pratiquement 100 années-lumière du Soleil. On voit qu'il vient même d'encore plus loin, enfin, ou ça fait encore plus longtemps, ça fait peut-être pendant plus d'un million d'années qu'il voyage entre les étoiles, quoi. Enfin, Homo sapiens, en bref, n'a sans doute rien à voir avec la disparition de Néandertal. C'est ce qu'indique en tout cas une étude parue cette semaine dans Nature Communications. En tenant compte du nombre d'individus en présence chez Homo sapiens et chez Néandertal il y a 400 000 ans, au moment où les deux espèces se sont rencontrées en Europe, en tenant compte aussi des schémas migratoires, des données climatiques connues sur cette époque, 2 chercheurs américains ont développé un modèle informatique et simulé plusieurs centaines de fois les interactions possibles entre Néandertal et Homo sapiens en changeant plusieurs fois les données. Et dans tous les cas, quels que soient ses rapports avec Homo sapiens, Néandertal s'éteint toujours à plus ou moins 12 000 ans d'écart. Et on reste sur l'évolution dans notre délicieuse rubrique des sciences improbables avec cette étude qui va sans doute attrister nos amis chinois qui ont aujourd'hui cette espèce de monopole mondial de la mignonnerie grâce à leur animal national, le panda. Eh bien, sachez que notre ami mangeur de bambou pourrait ne pas venir de Chine puisque le paléoanthropologiste David Begun de l'Université de Toronto a découvert en Hongrie, il annonce cette semaine, des dents fossilisées similaire à celle des pandas géants qu'on ne trouve qu'aujourd'hui qu'en Chine. Alors déjà, il faut savoir qu'en 2012, les scientifiques avaient découvert en Espagne des dents âgées, elles, de 11 millions d'années et qui provenaient sans doute d'un ancêtre direct du panda moderne. Les pandas seraient donc des migrants venus d'Europe. Dommage pour la Chine. Je vous laisse là-dessus, Nicolas, et on revient aux Utopiales. Et je vous souhaite un week-end très kawaïso, et merci beaucoup. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Voilà une petite musique inquiétante, puisque nous allons parler ici donc en direct de la Cité des Congrès à Nantes pour les Utopiales 2017 de l'espace-temps chez Lovecraft. Nous en parlons avec Raphaël Granier de Cassagnac, Gilles Dumay et Bertrand Bonnet. Et pour commencer, messieurs, et pour vous faciliter la tâche, pour vous mettre tout de suite extrêmement à l'aise et tout à fait confortable, je vais vous demander de faire une petite explication de texte à partir d'un incipit que vous connaissez bien sûr certainement par cœur. Je pourrais presque vous demander de le réciter, mais je ne vais pas le faire parce que je suis quand même sympathique. Le voici. La chose la plus miséricordieuse qui fut jamais accordée à l'homme est son incapacité à faire le rapprochement entre toutes ses connaissances. Nous vivons sur une île d'ignorance placide, au beau milieu de mers noires et infinies sur lesquelles il n'a jamais été prévu que nous naviguions très loin. Les sciences, dont chaque branche avance péniblement et exclusivement dans son domaine propre, ne nous ont pas vraiment fait de tort, mais un jour, le puzzle reconstitué de toutes nos connaissances encore dissociées nous ouvrira de telles perspectives effroyables de la réalité et de notre terrifiante situation que cette révélation nous rendra fous ou nous fera fuir ces lumières mortelles pour replonger dans un âge des ténèbres paisibles et sûres. Bertrand Bonnet, explication de texte. D'où sort ce texte et qu'est-ce qu'il signifie chez Lovecraft ? Alors, c'est l'incipit de la nouvelle L'Appel de Cthulhu, donc bien sûr, qui marque un tournant dans l'œuvre de Lovecraft, qui livrait déjà depuis quelques années des nouvelles fantastiques, surnaturelles, etc. Là, il aborde les choses d'une manière totalement différente, ce que montre d'ailleurs ce paragraphe qui a un ton très scientifique, c'est pas vraiment une introduction nouvelle très habituelle, en développant une idée qui va devenir de plus en plus importante chez lui, qui est l'idée de l'horreur cosmique, on va dire. Ce qui fait que l'homme, et la science le montre toujours un peu plus jour après jour, l'homme ne signifie rien, les civilisations ne signifient rien, c'est les froids pascaliens en même temps, c'est des choses qui en reviennent de là. Mais l'idée, donc, dans cette nouvelle très précisément, c'est que les sciences progressent donc chacune de leur côté, et qu'en assemblant les découvertes dans les différents domaines, on prend conscience d'une réalité qui est autrement pas perceptible, et qui confirme cette inutilité de l'homme. L'intérêt aussi, donc, c'est de voir que la science, chez un auteur tel que Lovecraft, qui est rationaliste, il est très pro-science, on va dire, bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ici, ça devient le moyen d'une révélation parfaitement insupportable et qui rend les hommes fous parce qu'ils prennent conscience, donc qu'ils n'ont aucune importance. Gilles Dumay, Raphaël de Cassagnac, un mot pour compléter cet excellent commentaire de texte de Bertrand Bonnet pour introduire cette émission. Je trouve que dès le départ, on a le personnage Lovecraftien typique qui est décrit dans cette. Dans cet incipit, c'est le personnage qui fuit, qui a peur, ou qui devient fou, ou les trois. Et ce qui est un peu ce qui est vraiment unique chez Lovecraft, c'est que ces personnages sont globalement humains, ce sont des anti-héros. On est très loin du personnage de la littérature de genre, de science-fiction, héroïque, super-héros. Le personnage Lovecraftien, quelque part, il est impuissant vis-à-vis de ce qu'il va découvrir. Universitaire, scientifique, par ailleurs. Oui, et il risque la mort, et s'il ne meurt pas, il va devenir fou, c'est presque sûr. Raphaël de Cassagnac. Ce que je trouve intéressant dans cet incipit, c'est le fait que Lovecraft, il a tâché d'expliquer tous les effets surnaturels, tous les vieux mythes qui rôdaient dans ses contrées de Nouvelle-Angleterre, avec une cosmologie derrière. Tu parlais d'horreur cosmique, c'est exactement ça. Et on oublie souvent qu'il a mis non seulement les choses surnaturelles là-dedans, mais également la science. C'est-à-dire que, par exemple, quand il était contemporain d'Einstein, quand Einstein a développé toutes ses théories, qui étaient très bouleversantes pour lui, donc c'était un petit peu comme un truc surnaturel, il s'est dit « Ah ben ça, c'est une preuve supplémentaire qu'il y a quelque chose au-delà, un ordre cosmique qui nous échappe et dans lequel on est insignifiant. » Et tu disais que l'homme était insignifiant, il a même écrit à un de ses correspondants que le cosmos était une plaisanterie, donc ça va même bien plus loin que juste l'humanité. Alors justement, effectivement, c'est intéressant, vous venez de le noter, Raphaël de Cassagnac, de replacer Lovecraft dans son contexte scientifique. On est au tout début du 20e siècle, Lovecraft naît en 1890, il meurt en 1937, c'est le moment des grandes révolutions scientifiques, et notamment physiques et astrophysiques paradigmatiques. C'est Einstein, c'est la découverte de Pluton, et Lovecraft, très jeune, est passionné par l'astronomie. Bertrand Bonnet. Oui, très jeune, il se passionne pour la science. Alors, il commence a priori par la chimie, mais la matière qui va vraiment l'intéresser beaucoup plus que toutes les autres, et il va devenir très compétent assez vite, c'est donc l'astronomie. En fait, quand il est adolescent, il livre déjà des écrits, alors d'abord plus ou moins pour lui-même, puis des petites revues, puis il va soumettre des articles, une chronique astronomique à des journaux de la presse locale de Providence. Et c'est quelque chose qui va toujours l'intéresser énormément. Et à l'occasion de ces articles, on voit d'ailleurs qu'il y a un aspect presque missionnaire, un aspect de combat dans tout ça, puisqu'il se lance dans une polémique contre les charlatans de l'astrologie et ce genre de choses. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment la science. Oui. Raphaël de Cassagnac, on l'a dit, hein, la découverte de Pluton, il y a aussi autre chose et on voit les pièces du puzzle s'imbriquer. C'est-à-dire qu'il est aussi passionné par la mythologie. Hein. Il écrit très tôt, c'est un auteur très précoce. Il réécrit même une version de l'Odyssée en vers, en 88 vers, qui remet dans l'ordre chronologique la mythologie, l'espace, l'astrologie. On voit vraiment dès le départ des éléments constitutifs de ce qui va être l'essence de sa littérature. Oui, mais il mélange tout. En fait, enfin, pour moi, la vraie force de Lovecraft, c'est d'avoir réussi à aller piquer dans plein de domaines comme ça, donc tu disais la mythologie, l'astronomie, et à mettre tout ça dans un espèce de tout cosmique infini. Moi, c'est ça qui me fascine complètement dans son œuvre. Est-ce qu'on peut parler vraiment du coup d'une forme de vision cosmique du monde, Gilles Dumay? C'est cette place infinitésimale, c'est vraiment parce que c'est l'angoisse pascalienne inversée, il n'y a pas l'aide de Dieu, et en plus sous nos pieds ça fait partie de ce même cosmos innommable qu'on ne peut pas comprendre, qui échappe à notre intellect et à notre compréhension. Eh bien, en tout cas, c'est un aspect qui apparaît dans son œuvre, et c'est un de ses principaux apports, en fait, à la littérature de l'imaginaire, de science-fiction, d'horreur. Fritz Leiber parle de révolution copernicienne, notamment dans cette optique-là. Mmh. Et c'est vrai qu'on se retrouve en présence donc de quelqu'un qui publie dans les pulps, donc dans des récits de littérature bon marché, avec de l'aventure, des choses comme ça. Mais non, lui, il présente des scientifiques qui, enfin, on peut revenir à l'appel de Cthulhu, justement. C'est une nouvelle dans laquelle, à proprement parler, il ne se passe rien. On étudie des documents et on lit un type qui nous explique ce qu'il lit dans ces documents. Donc c'est un rapport totalement différent, oui, à cet égard. Gilles Dumay, sur justement cette vision cosmogonique, en fait. Ce terme s'applique particulièrement à Lovecraft. C'est peut-être le premier auteur, d'ailleurs, pour lequel on peut parler d'une vraie cosmogonie. En fait, la réflexion que j'avais, c'était Lovecraft, c'était aussi un lecteur de romans fantastiques, de nouvelles fantastiques et tout. Et il est... Dans la littérature américaine, il y a eu Poe, qui avait, digéré le journalisme d'une certaine façon et apporté le journalisme à l'horreur, au fantastique et inventé une nouvelle façon d'écrire des nouvelles qui fait peur. Et Lovecraft, en fait, lui, il a digéré les sciences contemporaines et il a utilisé ces outils comme Poe avait utilisé le journalisme. Il a utilisé la science pour faire peur. Et la peur en science-fiction, c'est pas si courant que ça. Il y a Lovecraft, mais on aurait du mal à trouver un autre grand auteur qui a utilisé la science-fiction et la peur. Par exemple, il n'y a pas ça chez Arthur C. Clarke, il n'y a pas ça chez Jack Vance. Il est un peu unique sur ce terreau-là. Et moi, je trouve que, enfin, la peur, c'est vraiment central et c'est sa marque de fabrique. Raphaël de Cassagnac. Oui, je dirais même que c'est s'il a un genre, c'est celui-là, en fait. C'est le genre de la peur, je dirais, parce que il est difficile à classer. Il a fait des textes de fantasy, il a fait des textes de science-fiction, il a fait des textes de fantastique, et il a une œuvre assez prolixe. Et le point commun que je vois dans la plus grande partie de son œuvre, c'est vraiment ça, c'est l'inquiétude, la peur, le cosmique qui nous inquiète. Mais c'est un débat d'ailleurs qui a un débat houleux parmi les lecteurs de Lovecraft, parmi les turiféraires, les exégèses de Lovecraft. Est-ce qu'on doit parler d'horreur? Est-ce qu'on doit parler de fantasy? Est-ce qu'on doit parler de SF? Il semblerait que plus le temps passe, Bertrand Bonnet, plus on accepte aujourd'hui Lovecraft comme un vrai auteur de science-fiction. Alors, c'est une question compliquée parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Il y a la vision aussi objective qu'on puisse avoir des genres. Il y a des considérations éditoriales et commerciales. Il y a le regard que Lovecraft lui-même portait sur cette question. Après, elle peut se poser différemment aussi selon les moments, selon les lieux. Je pense que quand on parlait de Bill de Cthulhu aux États-Unis jusqu'à la mort de Derleth en 1971, on en avait une perception qui était forcément un peu orientée fantastique parce qu'il y avait ces histoires de dieux comme l'Éternel, ce genre de choses. en France notamment, je pense que l'approche a été assez rapidement plutôt science-fiction. Et c'est vrai qu'il y avait un débat qui s'était développé très vite sur ce sujet. Et on en a un bon exemple notamment dans le Cahier de l'Erne, qui était sorti en 1968 sur l'auteur, donc avec Gérard Klein qui livrait un article sur Lovecraft, du fantastique à la science-fiction. Et il y a vraiment eu une sorte d'affrontement entre les tenants de chaque camp. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus pondéré, je pense, à cet égard. Et oui, l'approche science-fiction est sans doute clairement dominante. Raphaël de Cassignac. Moi, je pense qu'il faut dire que Lovecraft, c'est du Lovecraft, quoi. Il faut essayer de sortir de cette classification. Il y a des textes qui sont très de science-fiction. La couleur tombée du ciel, dans l'abîme du temps, c'est évidemment de la science-fiction. Il y en a d'autres qui sont de la fantasy. Tous les textes des contrées du rêve, c'est évidemment de la fantasy. Des monts et merveilles. Ouais. Mm. Et il y a tous les textes de fantastique qui sont peut-être ceux qui sont les plus connus, quoi. Mm. Mais en fait, il y a un courant qui correspond vraiment à ce que Lovecraft faisait. À l'époque, on parlait de weird science. C'était vraiment la conjonction de la science et du bizarre. Et c'était ça, sans doute, dans quoi ils se reconnaissaient à la base, je pense. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, on sait que Lovecraft a laissé une correspondance pléthorique. Il faut d'ailleurs rendre hommage au travail de François Bon, qui est allé à Providence chercher, travailler, qui a aussi fait un travail de retraduction des textes de Lovecraft et qui est vraiment allé fouiller dans une partie de ce qui reste et de ce qu'on peut avoir accès à cette correspondance. On parle de plus de 60 000 lettres. Est-ce qu'on sait à travers ça s'il y avait une vraie appétence pour les sciences qui a continué tout au long de sa vie, ou est-ce que ça a été juste une étincelle initiatrice? Raphaël de Cassagnac, Bertrand, Raphaël de Cassagnac. Non, moi, il me semble, j'ai lu une toute petite partie de la correspondance de Lovecraft. Il me semble que non, c'était assez continu. Il était vraiment au fait de tout ce qui se faisait en termes de. On retrouve, bon, je l'ai déjà dit, la relativité restreinte d'Einstein dans son œuvre. Non-euclidien. Les lecteurs de Lovecraft connaissent ce mot non-euclidien, qui est un truc scientifique assez fondamental, que je pense que personne ne comprend vraiment s'il lit juste Lovecraft. Ça vient directement de la relativité restreinte. Il y a des histoires sur, par exemple, la dérive des continents dans les montagnes d'hallucinés. Donc, il y a saupoudré dans plein d'endroits dans son œuvre. Il y a la science, je pense, qui se tenait vraiment au courant tout le temps. Il y a même une conclusion de nouvelle qui est carrément une citation d'un ami à lui qui est écrivain de science-fiction mais également astrophysicien, où il parle de la naissance et de la mort d'une étoile. Alors c'est très beau, en fait c'est une supernovae qui apparaît dans le ciel et qui disparaît. Donc moi je suis persuadé qu'il était intéressé par la science et sans doute par beaucoup d'autres choses tout au long de sa vie. Il était intéressé par les civilisations aussi, hein. Il a beaucoup entre guillemets étudié les Pictes, des civilisations comme ça. Il était fasciné par je dis pas de bêtises, par certaines civilisations classiques. Oui, il y avait cet aspect-là, effectivement. Mmh. Par exemple, quand il lance, quand Howard entame sa correspondance avec Lovecraft, le premier sujet de discussion qu'ils ont pendant des lettres assez longues et très, très complexes, très pointues, c'est sur les peuples celtiques, c'est sur les Pictes, ce genre de choses. L'érudition de Lovecraft, elle était extrêmement variée. Elle s'intéressait à une multitude de domaines vraiment remarquables. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'en même temps, et ça ressort un peu dans ses textes parfois, c'était une érudition sans méthode aussi. C'est-à-dire, c'était vraiment un autodidacte. Il apprenait énormément par lui-même. Il n'a jamais eu une formation cadrée dans quelque domaine que ce soit, par contre. Et pour parler justement de ce rapport à la science, il y a quelque chose d'assez paradoxal, parce que la science est ce qui nous apporte la connaissance. L'unification des sciences, comme il le dit dans l'incipit de l'appel de Cthulhu, va nous ouvrir des perspectives terrifiantes qui vont nous conduire à la folie. Et en même temps, il est très opposé à la notion de progrès. Il est très dubitatif, il questionne beaucoup. Il a presque une démarche épistémologique de questionnement des sciences, Bertrand Bonnet, non ? Oui, c'est d'interrogation, de mise en doute en tout cas. Oui, tout à fait. Mais en fait, finalement, c'est un homme plein de paradoxes à bien des égards. Et quand ce que vous dites sur la civilisation, c'est tout à fait exact. Il est vraiment dans l'esprit spenglerien, tout ça, de la décadence des civilisations, etc. Et en même temps, ça va être le type qui va faire l'apologie de Rome en permanence et qui va justement contre Ward, dont on parlait un instant, faire l'éloge de la civilisation contre la barbarie. Si on prend sa philosophie de manière très abstraite, ça paraît totalement incohérent. Mais ça fait partie pourtant du personnage. Oui. On peut dire en quelque sorte que la connaissance est vectrice de peur, de terreur, parce qu'elle nous renvoie précisément au fait que nous sommes petits, finis, et des fourmis et un grain de sable à l'échelle cosmique, Raphaël de Cassagnac. Donc. Bah non, je pense que c'est ça. Enfin, c'est c'est pas complètement antinomique. C'est-à-dire oui, il s'intéressait à la science, il était au courant, et en même temps, il nous la présente comme quelque chose d'effrayant. Donc, précisément, il n'était pas obligé d'adhérer au progrès technologique en même temps que d'adhérer aux théories qui étaient plus de l'ordre, enfin qui présentaient plus de la façon cosmogonique que de la façon scientifique presque. Gilles Dumais, il faut pas oublier un peu il est né à une époque où il y a beaucoup de choses dans le progrès scientifique ou dans le progrès je dirais d'ingénieur qui ont été traumatisantes. La Première Guerre mondiale par exemple, c'est un traumatisme, les gaz de combat, l'aviation, les bombardements, enfin. C'est pas fou d'imaginer qu'à son époque, on puisse être inquiet de découvertes scientifiques, astronomiques, qui remettent à peu près tout en question. Et pourtant, la science ne nous permet jamais totalement de comprendre l'univers. Raphaël de Cassagnac parlait de la géométrie non euclidienne. On pense aux angles qui se forment dans les murs dans A Dream at the Witch House. On parle d'architectures qui sont indescriptibles, indicibles. On en rigole, c'est devenu impensif, mais parce que l'être humain ne peut pas comprendre. Donc la science est limitée, l'être humain est limité. On a beau essayer de chercher à comprendre et d'unifier ces sciences pour comprendre l'univers qui va nous rendre fous, et en même temps, la science est incapable. C'est un constat d'échec. Mais si on comprend dans l'optique lovecraftienne, on devient fou. Si on met toutes les pièces du puzzle en même temps et qu'on voit qu'il y a des créatures extraterrestres qui ont des millions d'années et qui vivent parmi nous et qu'on est des fourmis pour eux, et même moins que des fourmis, on devient fou. On est rien. Raphaël de Cassagnac. Oui, ça va même loin. Tu citais la maison de la sorcière où Lovecraft, à un moment, il parle de cette sorcière. Donc c'est une sorcière, c'est quelqu'un de fou dans notre imaginaire populaire et tout ça. Et à un moment, il dit... Que dans sa folie de sorcière, elle approche les théories de, et je crois qu'il cite Planck, Heisenberg, donc la mécanique quantique, Einstein, De Sitter, donc la relativité restreinte. Donc il fait vraiment ce parallèle incroyable entre la folie et la science, quoi. Bertrand Bonnet. Après, oui, il y a un autre aspect peut-être à prendre en compte, c'est qu'il y a la pensée de l'homme et il y a ce qu'il en fait en littérature. Tout ça, ce sont aussi des outils littéraires qui servent un but, qui est donc celui de provoquer la peur, notamment. Quand Lovecraft parle d'angle non euclidien ou de trucs comme ça, il n'a pas forcément lui-même une conception très très claire, mais il sait que ça fait partie des outils qui vont permettre de susciter la peur. Et c'est son objectif, et c'est ce qui lui permet, dans une nouvelle telle que La Maison de la Sorcière, de manière très flagrante, de reprendre finalement des thèmes du fantastique, du surnaturel, etc., pour leur donner une coloration différente, plus moderne et bien plus terrible encore finalement, avec cette sorcière qui explique sa magie d'une certaine manière par une science qui lui est bien postérieure. Mais on voit, j'avance un peu dans mon programme, mais c'est tout de même intéressant parce qu'on voit cette volonté, on parlait de cosmogonie tout à l'heure, on voit cette volonté unificatrice, c'est-à-dire qu'on met tout, on explique tout par cette conception de l'espace, du temps, par ces déités très anciennes, par la peur, par la trouille au ventre que suscite justement l'âge de l'univers et l'espace-temps tel qu'il le conçoit. Et à l'intérieur, on met toutes les mythologies humaines, toutes les déités humaines, toutes les croyances humaines, et on met finalement la science au même plan que ces anciennes mythologies, Raphaël de Cassagnac. D'une certaine façon, c'est ce qu'il fait dans Dream at the Witch House. Je peux me tromper, hein, c'est une interprétation que je vous soumets, libre à vous, Bertrand Bonnet. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait de tout unifier dans l'œuvre de Lovecraft. Il y a des textes qui n'ont absolument aucun rapport les uns avec les autres. Il y a tout unifié dans son univers, dans sa cosmogonie, en fait, de tout vouloir mettre à l'intérieur, de tout faire rentrer dans son système. Mais moi, je ne pense pas que sa cosmogonie elle soit unifiée au moment où il l'a créée et que ça a été fait derrière, en seconde main, à mon sens. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Gilles là-dessus. On peut chercher, dans une certaine mesure, une tentative d'unification au niveau des principes, on va dire, donc ces histoires d'horreur cosmique, etc. Après, vouloir rendre l'œuvre de Lovecraft, en faire un tout parfaitement cohérent, systématique, je pense que c'est une erreur, je pense qu'on en est revenu. Parce que ça aussi, ça avait été très biaisé par Derleth après la mort de Lovecraft, quand il a forgé la notion de mythe de Cthulhu, avec des connotations qu'on a largement abandonnées depuis. Finalement, Lovecraft n'avait pas du tout cette impression quand lui-même faisait ses textes. Alors, il s'amusait, il mettait des liens par-ci, par-là, mais c'était pas un tout cohérent pour autant, c'était pas un système, je ne pense pas, non. Raphaël de Cassagnac. Il a certainement pas écrit une cosmogonie, il a laissé entendre qu'il y avait une cosmogonie derrière, unificatrice, derrière tout ce qu'il y avait. Et tu parlais de ces épigones de Derleth, et moi j'ai toujours été très étonné en venant du jeu de rôle et en allant vraiment lire à fond l'œuvre de Lovecraft, de me rendre compte à quel point il y avait très peu de choses sur la cosmogonie. Et que c'est surtout ceux qui l'ont suivi qui se sont amusés à la rendre d'autant plus, enfin, trop cohérente, quoi. Oui, c'est aussi, il faut se mettre dans une perspective historique, c'est cette cosmogonie, entre guillemets, cette idée d'extraterrestres vieux de milliers d'années sur Terre, de millions d'années, c'est son apport à la littérature. Avant lui, il n'y a quasiment personne qui fait ça. Il est unique sur ce terrain-là. Every yours not turn on me. Il est 16h32, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. La Méthode Scientifique en direct et en public de la Cité des Congrès de Nantes pour les Utopiales 2017. Nous parlons tout au long de cette heure de l'espace-temps chez Lovecraft, puisque le temps, c'est le thème de cette édition des Utopiales. Nous en parlons avec Raphaël de Cassagna, qui est chercheur en physique des particules et écrivain, l'écrivain Bertrand Bonnet, l'écrivain et éditeur Gilles Dumay. On répartit souvent l'œuvre de Lovecraft aujourd'hui en trois grands cycles. Il y a les histoires macabres du début, le cycle onirique et pour finir le mythe de Cthulhu. Est-ce que vous avez l'impression, à l'aune de ce que l'on vient de se dire, c'est-à-dire que finalement cette cosmogonie, il dissémine des indices tout au long de son œuvre, mais lui ne la construit jamais, que c'est un travail essentiellement posthume, est-ce que vous avez tout de même l'impression qu'il y a une forme d'évolution, de construction, j'ai envie de dire presque de solidification de son imaginaire et de son rapport précisément à l'espace entre ces premières histoires macabres et à la fin ce mythe de Cthulhu qui semble effectivement en tout cas un peu plus structuré dans l'univers qu'il décrit, Bertrand Bonnet? Alors, il y a un jeu littéraire qui consiste à créer un univers, ça très probablement. Après, donc, se pose la question de la cohérence de cet univers. Finalement, moi, j'aurais plutôt un point de vue assez inverse. Alors, en notant aussi que de ces trois catégories, il y a un gros problème dans cette nomenclature, c'est que les contes macabres, c'est un fourre-tout, c'est du par défaut. On met là-dedans ce qui ne relève pas des contrées du rêve ou du mythe de Cthulhu. Déterminer ce qui relève des contrées du rêve, c'est assez facile. Parce que là, pour le coup, il y a un univers cohérent qui se forme. Déterminer ce qu'est exactement le mythe de Cthulhu, c'est beaucoup plus sujet à polémique. Il y a des points de vue finalement très très opposés. Si on prend une nouvelle comme La couleur tombée du ciel, mm-hmm. et qu'on prend une qui lui est de très peu postérieure, L'abomination de Dunwich, mm-hmm. ces deux nouvelles qu'on associe généralement au mythe de Cthulhu ne racontent absolument pas la même chose et n'ont pas du tout le même développement. Mm-hmm. Et pour le coup, on a une nouvelle de science-fiction, La couleur tombée du ciel, mm-hmm. dont on parlera parce qu'elle est intéressante. Et une mm-hmm. nouvelle qui est beaucoup plus fantastique dans son esprit, mm-hmm. qui est L'abomination de Dunwich. Mm-hmm. Donc si je devais chercher la cohérence, je le ferais plutôt justement du côté des contrées du rêve, et avec certaines limites quand même. Mais il y a bien des liens qu'il fait tout au long de sa carrière. Et, oui. Et cette cohérence du côté des contrées du rêve ou du cycle onirique, comment est-ce que vous l'interprétez? Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a déjà que Lovecraft, à cette époque, qui ne publiait pas encore dans les pulps, puis publiait dans les journaux amateurs d'abord à la base, il avait quelque chose. Alors est-ce que c'était une pause, est-ce que c'était vrai? Il disait qu'il écrivait à partir de ses rêves et que certains de ses textes avaient été écrits à partir de rêves directement. Oui, c'est plus ou moins vrai. Ce qui est certain, c'est que il a découvert l'œuvre de Lord Dunsany. Il a trouvé que cette œuvre répondait vraiment à ses envies. Il avait a priori écrit Polaris déjà auparavant. Et il a passé quelque temps, du coup, à faire ce cycle des contrées du rêve, plus ou moins cohérent, dans une perspective vraiment dunsanienne et revendiquée. Il dit lui-même qu'il fait quelque chose dans ce goût-là. Parce que ça lui plaît énormément, ça le marque beaucoup. Ça ne durera pas éternellement non plus. Mm-hmm. Raphaël de Cassagnac, vous partagez l'analyse de Bertrand Bonnet? Oui, complètement. Moi, j'ai toujours eu du mal, comme ce soit l'espace-temps chez Lovecraft, j'ai toujours eu du mal à vraiment mettre des gros blocs dans son œuvre comme ça, à part effectivement les contrées du rêve. Et même quand on parle des contrées du rêve, à un moment, ça pourrait être un tout cohérent, une œuvre de fantasy un peu cohérente, comme on voit effectivement chez Dunsany, puis après chez Tolkien et d'autres gens comme ça. Mais non, parce qu'à un moment, il ne peut pas s'empêcher avec la quête onirique de Randolph Carter, la clé d'argent et à travers les portes de la clé d'argent, si je me souviens bien, de relier ça fondamentalement avec la partie horrifique. Nyarlathotep apparaît à la fin, si on peut dire, du cycle des contrées du rêve, quoi. On n'a pas parlé de... du jeu qu'il jouait avec les contemporains, les autres auteurs avec qui il était en lien. Moi, en tant que lecteur de Lovecraft, j'ai quand même l'impression que souvent, il y a des petits clins d'œil à droite, des petits clins d'œil à gauche, des petits emprunts, des tiens, je te donne ci, tiens, je prends ça. Et que il est. C'était probablement. On en a l'image de quelqu'un très sérieux, très. Très monolithique. C'était probablement quelqu'un qui avait aussi une envie de jeu intellectuel et qui était joueur dans son œuvre. Enfin, moi, je le ressens aussi comme ça. Bertrand Bonnet ? Oui, ben pour le coup, il s'amusait énormément à ce propos avec ses camarades. Et finalement, c'est ça qui fonde ce qu'on appellera par la suite Mythe de Cthulhu. C'est-à-dire, c'est ce jeu de référence commune qui paraissent chez des auteurs différents. Et là, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, parce que nous, aujourd'hui, quand on lit en livre, ça fait plus le même effet. Mais il faut imaginer un lecteur de Weird Tales dans les années 20 qui va lire trois nouvelles dans le même numéro, écrites par des auteurs différents, et qui vont mentionner un Cthulhu, un Cloulou, ou un truc comme ça, qui reviennent tout le temps. Mm-hmm. Mais c'est la base d'un canular, en fait, et dont il s'amuse énormément, avec des gens comme Clark Ashton Smith, Robert Howard, etc. Ce qui est un petit peu consternant, mais en même temps amusant, ça le faisait beaucoup rire, c'est qu'il y avait d'autant plus, pour cette raison, des gens à l'époque qui gobaient tout ça. Qui se venait à dire que le Necronomicon voilà. existait vraiment, que cette cosmologie pourrait être authentique, etc. Bon, lui, ça le faisait beaucoup marrer. J'y viens parce que c'est aussi un des aspects passionnants de cette littérature lovecraftienne, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, avec notre regard contemporain, le côté méta, c'est-à-dire la métamythologie. Le Necronomicon qu'il traite comme étant un vrai livre écrit par une vraie personne et qui a donné lieu ce que vous dites à un certain nombre de fantasmes. Il y a le métalangage qu'il crée aussi. Est-ce qu'aujourd'hui... A posteriori, ça vous semble être une grille d'analyse pertinente, Raphaël de Cassagnac? Le Necronomicon, c'est génial l'histoire du Necronomicon, parce que c'est un des fils rouges dans l'œuvre de Lovecraft. On le retrouve dans pas mal des œuvres, et il y a des gens qui ont cru qu'il a existé. Il a écrit une petite notice bibliographique vers la fin, juste avant de mourir, je crois, dans laquelle il nous explique où on peut le trouver dans quelle bibliothèque dans le monde on peut le trouver. En fait, c'est un gros canular, mais c'est un canular tellement puissant qu'il en existe aujourd'hui. C'est-à-dire, des tas de gens ont écrit des Necronomicon. Il y en a qui sont réédités depuis les années 70. Donc, c'est une force d'évocation absolument incroyable à partir d'un espèce de petit canular. Et tu parlais de canular tout à l'heure. Moi, j'aime bien citer l'exemple de souvent les gens ont envie d'avoir une généalogie des dieux. Ils aimeraient bien que Nyarlathotep soit le fils de Yuxotot ou des choses comme ça. Et ça, on le trouve dans une lettre de Lovecraft. C'est-à-dire qu'il l'a fait lui-même, mais à la fin de la généalogie, il y a lui-même et Clark Ashton Smith qui descendent directement des dieux. Donc ça montre bien que c'est un canular, en fait. Gilles Dumais, sur cet aspect métalittérature qui, en fin de compte, serait effectivement juste quelque le part, point de départ d'un canular. C'est l'ancêtre du jeu de rôle. Enfin, ils avaient leur club, ils jouent entre eux et ils ont. C'est pas surprenant que le jeu de rôle, l'appel du Cthulhu, ait eu tellement de succès quand il est sorti. C'est une espèce de rappel historique de. Avant le jeu de rôle tel qu'on jouait à Donjons et Dragons, etc., il y avait déjà des gens dans les années 30 qui avaient eux-mêmes leur petit jeu de rôle, leur. Leurs monstres, leurs envies littéraires. Je trouve ça assez rassurant et assez touchant que ces gens-là aussi s'amusaient. Surtout qu'il faut se souvenir, 1929 aux États-Unis, c'est pas forcément très très drôle. C'est l'entre-deux guerres mondiales, etc. Enfin bon, c'était pas forcément l'époque la plus drôle qui soit. Et c'est à mon avis, hein, c'est ce système de je te passe un truc, on fait des trucs ensemble. C'est ça qui a l'origine un petit peu du succès de Lovecraft en termes de succès créatif, d'inspiration. C'est-à-dire que dès le départ, il a expliqué que c'était quelque chose, c'était un peu une œuvre commune. Ils étaient plusieurs sur le coup. Et donc les gens derrière se sont dit, ah ben c'est sympa, peut-être qu'on peut amener tel truc, peut-être qu'on peut prendre tel truc. C'est une littérature collective, un peu comme la science-fiction qui est une littérature collective. Quand j'invente les nanomédics, tout le monde met des nanomédics. Quand j'invente tel truc, tout le monde va inventer tel truc. Quand William Gibson invente le cyberespace, d'un seul coup, il y a du cyberespace dans 40 livres. C'est un univers open source, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Oui, c'est un des premiers univers open source. Et un mot sur ce métalangage. Je vous ai demandé tout à l'heure de faire un commentaire de texte en direct pour commencer, vous mettre à l'aise dans l'émission. Est-ce que vous pouvez maintenant essayer de me lire cette phrase que j'ai écrite en gros exprès pour vous? Bertrand y arrive très bien. Bertrand Bonnet. Non, je vais m'en tenir à Fungly ou à Phtagne, parce que ça tout le monde comprend, mais ce qui est au milieu, je ne vais pas m'y risquer. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ce langage, c'est, bah, de toute façon, par principe, justement, l'idée, c'est de faire quelque chose de totalement incompréhensible et imprononçable parce que non humain, parce que totalement alien. Donc, pour le coup, ce métalangage, c'est pas du tout la même approche que celle d'un Tolkien à la même époque, qui lui crée des langues avec un système et qui serait parfaitement possible d'étudier et de parler normalement. D'ailleurs, il y a des gens qui font un travail de linguiste. Oui. Voilà. Alors, chez Lovecraft, c'est pas du tout ça. Lui, c'est enchaîner les sons les plus imprononçables pour susciter cette altérité fondamentale et donc cette peur qui en découle logiquement. Raphaël de Gassagnac, sur ce langage. Non, moi, je parle pas le rlien, ni l'elfe, ni. Un mot, il y a cet aphorisme aussi qui est resté célèbre de Lovecraft que j'aimerais vous faire commenter parce que ça, c'est, il me semble un bon résumé de ce qu'on vient de se dire depuis le début de cette émission. The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown. C'est la peur de l'étranger. Et on ne peut pas parler de Lovecraft aujourd'hui. De l'inconnu. De l'inconnu, oui, voilà. Mais de l'inconnu et donc de l'étranger. On sait que Lovecraft était particulièrement sensible à un certain nombre de thèses racistes et xénophobes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment lire cette peur de l'espace, cette peur de l'étranger, cette peur de l'incompréhension à travers ce prisme biographique qui est maintenant clairement identifié, Bertrand Bonnet? Alors, c'est une question très compliquée pour le coup. Je pense qu'on peut pas l'évacuer, ça serait vraiment n'importe quoi. C'est un aspect fondamental de la définition du personnage, même si on a peut-être trop accru son importance à l'occasion. La citation que vous avez faite, c'est celle qui ouvre en gros son fameux essai sur épouvante et surnaturel en littérature, qui est un essai important dans l'histoire de la littérature fantastique. Il est très révélateur finalement 1927. De ce que Lovecraft lui-même croyait et redoutait sans doute. Après, il y a cet aspect que, voilà, il va y avoir sa littérature et il va y avoir sa vie. Mmh. Et les deux vont connaître aussi des évolutions par rapport à cette question. Mais effectivement, la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, avec toutes ces dimensions qui peuvent se mélanger en fait jusqu'à devenir très très floues, sont un thème crucial de son œuvre sans doute. Mais il y en a d'autres qui peuvent être liés éventuellement. C'est une architecture complexe. Oui. Gilles Dumay, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'essaie de relativiser ça parce que Lovecraft, c'est quand même un produit de son époque et. L'Amérique des années 30, les années 20, c'est pas du tout l'Amérique d'Obama ou quoi que ce soit. Donc c'est évidemment un aspect déplaisant parce qu'il y a horreur à Red Hook, il y a des choses qui sont, mais il y a des choses comme ça aussi chez Robert E. Howard et chez certains textes de Conan. Ça me semble pas central parce que à cette époque-là, parce que c'est assez compliqué pour nous. Nous, on juge avec nos yeux de maintenant des textes qui ont été écrits il y a 80 ans dans des circonstances particulières. Il y a tout un, comment dire, il y a tout un procès en ce moment aux États-Unis contre Lovecraft, qui était la figurine du World Fantasy Award. C'était le buste de Lovecraft, etc., etc. Bon, je dis pas que c'est du révisionnisme, mais ça me semble exagéré. On peut pas. J'essaye de faire la part, l'œuvre est tellement géniale, bon, l'homme avait ses défauts, qui n'en a pas. La question, c'est l'interpénétration des deux, et puis vous dites que l'Amérique de Lovecraft, c'est pas l'Amérique de Obama, néanmoins, comme l'atteste le t-shirt que je porte aujourd'hui, il y a des gens qui voulaient que Toulouse soit président à la place de l'actuel président qui a été élu aux États-Unis. Raphaël de Gassagnac, tout de même, est-ce qu'on peut détacher cette vision réactionnaire, xénophobe, de l'analyse de l'univers, de la peur de l'étranger, de l'hybridation, parce que c'est important, hein, les cultistes qui petit à petit se transforment soit en homme-poisson, qui commencent à avoir des caractéristiques monstrueuses, des tentacules qui se déforment, c'est tout de même effectivement la crainte de l'hybridation, du mélange avec l'inconnu, avec l'autre. Alors Cthulhu président, c'est l'amour ultime de l'étranger, je pense, effectivement. Mais ouais, moi, je suis un peu d'accord avec Gilles, c'est-à-dire sur la partie peur de l'étranger, je suis aussi... Bon, c'est un wasp, il est ce qu'il est, il est dans l'époque dans laquelle il était. Et puis, je pense que sur la peur de l'étranger, à part quelques nouvelles que tu as citées, il a eu le bon goût de la transférer sur des vrais étrangers, sur des entités extraterrestres qui, de notre point de vue, n'existent même pas, donc c'est plus facile. Moi, il y a un truc qui me gêne un petit peu plus dans l'œuvre de Lovecraft, c'est la peur de l'étrangère, la place de la femme dans l'œuvre de Lovecraft. Alors, c'est pareil, c'est un wasp, il vient de ce milieu-là, il est tel qu'il est, il a des problèmes avec les femmes, tout ça, bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est ça qui me gêne presque plus, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'héroïnes, très peu de femmes qu'il y a dans les œuvres de Lovecraft, elles sont quand même pas, elles sont destinées à porter des monstres, il y a des choses comme ça, quoi. Ça me gêne plus presque que la peur de l'étranger. Bertrand Bonnet. Pour le coup, je pense, même si on pourrait lire aussi pour le racisme. Pour le coup, ce regard sur les femmes, c'est pas seulement sa condition de wasp. Je pense que ça va bien au-delà. C'est quelque chose de très individuel, très personnel. C'est pas que les femmes dans l'œuvre de Lovecraft sont mauvaises, étrangères, bizarres ou quoi que ce soit. C'est qu'elles sont absentes complètement. Voilà. Il y a quasiment. Alors hors révision, parce que ça c'est un cas un peu à part. Il y a quelques personnages féminins dans les révisions. Sinon, dans l'œuvre proprement lovecraftienne, il y a trois nouvelles où on trouve une femme. Pour le coup, bah, y en a une, c'est une sorcière, il y en a une, c'est une simple albinos, et la dernière, c'est un homme. Bon, c'est, oui. Paradoxalement, puisqu'on touche à ces questions-là, la morale, en tant que telle, n'a absolument, pour le coup, aucune place dans son œuvre. La morale étant, par principe, un concept d'origine humaine, elle n'a donc forcément pas de place dans une œuvre qui est censée dépeindre une vision cosmique du monde. Vrai ou faux, Raphaël de Cassagnac? Chez Lovecraft, je ne sais pas. Non, je ne saurais pas répondre à cette question pour, dans l'approche de Lovecraft. Je sais pas si, Bertrand Bonnet? Lovecraft n'était pas totalement étranger aux considérations morales. Ça relève peut-être aussi de ses paradoxes, parce qu'effectivement, ça devrait être absurde dans un monde où, de toute façon, l'homme ne sert à rien, la civilisation n'existe pas, voilà. Ceci dit, au moment présent, il y a les hommes, il y a les civilisations, il y a des codes moraux. Pour le coup, Lovecraft, qui était athée au possible, détestait les religieux ou quoi que ce soit, avait dit lui-même qu'il se reconnaissait finalement pas mal dans les interdits, les tabous de la morale puritaine. Mm-hmm. Il pouvait très bien s'en accommoder à côté. Alors ça, c'était surtout quand même au début. Il a pu évoluer par rapport à tout ça sur la suite, y compris d'ailleurs dans le registre des idées politiques où il a pas mal changé au fur et à mesure de sa carrière. Oui. Mm-hmm. Gilles Dumais, sur cette question? J'étais surtout en train de me dire que chez Lovecraft, il y a des hommes qui essayent de garder leur honneur malgré la folie et malgré le fait qu'ils aient fui ou ils essayent des fois de réparer quelque chose ou de prévenir, comme le début des Montagnes Hallucinées, où ils disent n'y allez pas, etc., etc. Où globalement, bon, c'est quand même le récit d'un échec. Après, la dimension morale, je la vois pas. C'est vrai que je la vois pas tellement dans cette œuvre-là. Enfin, de nouveau, hein, c'était un écrivain de son époque. Il écrivait dans les pulps. Il y a quand même une... comment dire? Il y a une saveur pulps. Et la saveur pulps, c'est quand même que le personnage féminin est une personne en danger, est une personne qu'il faut protéger. Damsel in distress classique, oui. Voilà, il y avait très peu de personnages féminins forts dans les pulps, quasiment pas en fait. Mm-hmm. On approche de la fin de cette émission. On peut évidemment, à partir du moment où on parle de la cosmogonie, de l'univers étendu de Lovecraft, on l'a fait d'ailleurs, hein, on en a cité quelques-uns, dont le principal d'Erlet, le disciple. Il faut évidemment parler de son héritage, parce que c'est finalement cet héritage qui l'amène jusqu'à nous, c'est ses disciples qui créent et qui composent et qui finalement prennent un fil pour relier les différents points qui ont été laissés, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, par Lovecraft dans ses écrits, quitte parfois même d'ailleurs à en dénaturer la portée. On a beaucoup accusé Auguste d'Erlet, Bertrand Bonnet, d'avoir voulu simplifier, d'avoir voulu manichéiser, si vous m'autorisez ce néologisme, l'univers de Lovecraft. Oui, à ce stade, c'est pas simplifié, c'est raconter tout bonnement n'importe quoi. Et très peu de temps après la mort de Lovecraft, en fait, d'Erlet va commencer une sorte de propagande à cet égard qui se base sur une lettre, un faux, qu'on appelle la Black Magic Quote. Mm-hmm. Et cette lettre prétend que, elle est censée être de Lovecraft, elle prétend que tout ce qu'il a écrit, c'était dans un esprit qui visait à reproduire la chute des anges, Lucifer et compagnie. C'est pour ça qu'il y avait des dieux bons dans son œuvre contre des dieux mauvais. C'est pour ça aussi que ces dieux utilisaient la magie noire, qu'ils avaient été bannis mais pourraient revenir. Heureusement non, parce que les dieux bons sont là, avec le signe des anciens et compagnie. Et en plus de ça, il rajoute d'autres aspects encore, toujours un peu plus. Dans l'idée d'unifier, justement, de rendre tout ça cohérent, il sort une des plus lamentables bêtises imaginables en essayant d'en faire un panthéon élémentaire. Donc il va jusqu'à dire que Cthulhu, voilà, bon, ça doit être une divinité de l'eau. Finalement, Lovecraft n'a pas fait le boulot jusqu'au bout, puisqu'il n'a pas créé de divinité du feu, donc moi, je vais en faire une, parce que les lecteurs en ont besoin. Bon, il n'avait rien compris à ce qu'il faisait, clairement. Et en même temps, quel joueur de l'appel de Cthulhu n'a jamais essayé d'invoquer Nodens pour se sauver à un moment donné dans une situation désespérée, Raphaël de Cassagnac? Nodens n'est pas une invention de Lovecraft. Non, de d'Erlet. Non, non plus. Nodens est un dieu réel, celte, sur lequel a travaillé Tolkien, d'ailleurs. Mais sur précisément sur l'héritage, parce qu'on parle de Derleth, mais il n'y a pas que Derleth. Aujourd'hui encore, il y a des anthologies qui sont publiées. Je vais en faire la liste tout à l'heure. Elle est longue comme le bras et ça n'a pas l'air de finir. Gilles Dumais me disait tout à l'heure qu'il y a encore une vague qui vient de publications américaines qui est gigantesque. C'est à la fois à ces successeurs-là qu'on doit la postérité et l'innervation de la pop culture de l'univers de Lovecraft. Et en même temps, comme on l'entend, ils en ont quand même changé la nature, ils l'ont transformé, ils en ont fait quelque chose d'autre. Ah ouais, moi, je suis complètement d'accord avec Bertrand. Derleth a complètement dénaturé le fond de ce que je disais tout à l'heure. Hein, quand on se plonge vraiment dans l'œuvre de Lovecraft, on hallucine sur le fait, au sens presque propre du terme, sur le fait qu'il y a en fait très peu de choses, que c'est très peu classifié, que c'est très, très pur, quoi. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est peut-être, enfin, c'est à peu près clair que c'est aussi grâce à Derleth que le truc a continué jusqu'à nous et qu'on est même capable de dire que Derleth s'est trompé. Et tout ça, c'est aussi un peu grâce à lui d'avoir, comme ça, peut-être qu'il y avait un besoin de l'époque aussi de rationaliser ça pendant un petit moment avant qu'aujourd'hui on revienne vraiment sur un peu les fondamentaux et qu'on se retourne vraiment vers l'horreur primale, quoi, qui est dans l'œuvre de Lovecraft, quoi. Bertrand. Oui, ben, pour le meilleur et pour le pire, effectivement. C'est-à-dire, il y a eu de très nombreux pastiches qui étaient atrocement mauvais. Bon, quand on voit des choses comme Brian Lumley, tout ça, non, il faut pas, c'est pas la peine. Il y en a qui ont fait des choses beaucoup plus intéressantes, des gens comme Fritz Leiber, comme Ramsey Campbell, etc. Et ça a beaucoup évolué aussi, cette matière. Parce que ces dernières années, notamment suite aux efforts, je pense, de la critique lovecraftienne pour évacuer l'héritage de Derleth, on va dire, et ses déformations, on est revenu à des conceptions de l'horreur lovecraftienne beaucoup plus sereines. Une horreur qui n'implique pas forcément Cthulhu, par exemple, mais qui implique vraiment l'horreur cosmique. Stieg Joshi, qui est le plus grand critique américain sur Lovecraft à l'heure actuelle, avait écrit un livre très sévère qui s'appelait « The Rise and Fall of the Cthulhu Mythos ». Il l'a ressorti quelques années plus tard, « The Rise, Fall and Rise of the Cthulhu Mythos ». Et lui-même, qui disait pique-pente de quasiment tous les pastiches qui avaient été faits, a dirigé une série d'anthologies appelées « Backloggings » et qui sont bonnes pour ce que j'en ai lu. Oui. Alors, une question certainement très vaste et très difficile à répondre de façon concise. Donc il y a eu cette continuation. Au cinéma, on peut dire que grosso modo c'est un échec complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule adaptation de Lovecraft qui tienne vraiment la route. Peut-être un film tout de même qu'on peut retenir. Écoutez. What? I'm not insane. You hear me? I'm not insane! Relax, buddy. You're awake now. This is not a Sutter Kane story. This is not reality. Not reality. Not reality. Non, ce n'est pas une histoire de Sutter Kane. Tout ceci n'est pas réel. N'est pas réel. N'est pas réel. Ça, c'est la réalité. Vous entendez? La réalité. Ce n'est pas réel. Voilà, extrait en VO et en VF de L'Antre de la Folie de Carpenter en 1994, qui n'est pas une adaptation de Lovecraft, non. Mais qui est peut-être le seul film qui rende un peu hommage, ou en tout cas qui donne un aperçu de ce qu'aurait pu être une bonne adaptation d'un livre de Lovecraft. Globalement, dès qu'on essaye de suivre Lovecraft, ou dès qu'on essaye de l'adapter, ce qu'il y a de mieux et ce qui a été le plus intéressant, ce sont des adaptations obliques. C'est Providence de Alan Moore, c'est L'Antre de la Folie. C'est globalement, c'est regarder ce qui fait la spécificité de Lovecraft et se dire, j'imite pas, j'essaye de trouver mon angle là-dedans et je fais mon truc là-dedans en lui rendant hommage ou en continuant. C'est vrai que le cinéma et Lovecraftien, c'est assez atterrant parce que il veut absolument montrer, alors que Lovecraft veut absolument ne pas montrer. Donc déjà, on a un problème philosophique. Montrer, trop montrer, pas montrer. Là, dernièrement, je reviens là-dessus sur quand même Alan Moore, Providence. C'est quand même le type qui fait tout un truc de comics en 12 épisodes sur Lovecraft et qui explique pourquoi. Dans le 11e épisode sur 12, pourquoi ça est arrivé jusqu'à nous? Comment c'est arrivé jusqu'à nous? C'est absolument magistral, j'ai trouvé ça génial. Ce qui est la question que je voulais vous poser, hein. On dit des successeurs qui dénaturent, pas d'adaptation cinématographique, et pourtant, aujourd'hui, Lovecraft a complètement innervé la culture pop, alors avec, évidemment, le jeu de rôle y est certainement pour quelque chose, mais comment est-ce que vous l'expliquez brièvement? Parce qu'on va essayer de prendre une question du public rapidement. Raphaël de Cassagnac. Je sais pas comment je l'explique, mais pour moi c'est vraiment il y a quelque chose de fondamental, et puis le côté univers open source que tu disais tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a on peut aller piocher dans Lovecraft super facilement parce que c'est infini, parce qu'il y a une idée fondamentale forte, et donc chacun peut, avec son média à soi, l'utiliser. Et pour venir sur le cinéma, le vrai, bon, il y a deux problèmes. Il y a le fait que Lovecraft montrait pas et que le cinéma aurait plutôt envie de montrer, donc effectivement, il faut prendre des chemins de trace un peu obliques. Un projet de montagnes hallucinées par Guillermo del Toro effondré, mais qu'on aurait quand même bien aimé voir. Oui, mais il s'effondre pourquoi ? Parce que c'est Hollywood et qu'il paraîtrait que les producteurs lui ont dit il faut une happy end et une love story. Alors s'il y a rien de moins Lovecraftien qu'une happy end et une love story. Bertrand Bonnet. Alors, mais justement, je voulais intervenir parce que cette question de l'indicible, elle est très compliquée, on ne va pas pouvoir en traiter là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée de Lovecraft qui ne montre pas. En fait, il montre très souvent. Il va dire que c'est indicible, mais après, il va dire malgré tout. Concernant les adaptations au cinéma, les Montagnes Hallucinées, c'est un cas excellent parce que c'est un projet totalement fantasmatique. C'est hallucinant de voir un truc pareil. Mais c'est un récit tout sauf hollywoodien à la base. C'est-à-dire, on a à la base l'Antarctique, les monstres, etc. C'est super. Si on prend la nouvelle, les Montagnes Hallucinées, plus de la moitié, voire les trois quarts, c'est des types qui déchiffrent des hiéroglyphes sur un mur. C'est pas des explosions, quoi. Donc, à partir de là, en faire une super production hollywoodienne, ça me paraît compliqué. Oui. Il nous reste quelques minutes. On va prendre une question dans le public. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc dépeint Lovecraft comme un auteur un petit peu particulier au niveau du monde de la science-fiction. Alors moi, j'ai jamais lu justement d'œuvre de Lovecraft. Les Montagnes Hallucinées, c'est un bon début. Voilà, ma question c'était la suivante, sachant que moi je viens plutôt d'un univers qui va de Asimov à Simons, plus récemment Wilson et des auteurs français comme Damien Lacano. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme premier roman au singulier ou au pluriel pour débuter, on va dire, dans la lecture de Lovecraft. Un chacun. Moi, je le dis, vous en foutez peut-être, moi, c'est les Montagnes Hallucinées. Mais... Dans l'abîme du temps. L'appel de Cthulhu, la nouvelle, qui est absolument géniale. Il faut sentir une autre, La couleur tombée du ciel. Ah, La couleur tombée du ciel, ça aurait été mon deuxième. Il n'y a quasiment pas de roman, Lovecraft. Hein. C'est presque que des nouvelles. Éventuellement, une autre question rapide, oui, non. Bon, alors, peut-être pour conclure, pourquoi La couleur tombée du ciel, Bertrand Bonnet ? La couleur tombée du ciel, c'est... Déjà, dans l'histoire littéraire de Lovecraft, c'est important parce que c'est une nouvelle qui a été publiée dans un pulp de science-fiction. La plupart de ses précédentes publications, c'était Weird Tales. Là, c'est un pulp de science-fiction. Et il adopte une approche qui est d'une extrême subtilité, en fait, qu'on n'associe pas forcément au personnage à force des caricatures qu'on a fait suivre derrière. Il crée là aussi, alors pour le coup, je me contredis un peu, parce que la plus belle figure de l'indicible qu'on puisse imaginer, absolument, un extraterrestre, qui est une couleur. L'anti-anthropomorphisme voilà, total. C'est totalement alien. Et à partir de ça, il crée une histoire qui est poignante, en fait. Elle est terrifiante, elle est intelligente et elle est poignante en même temps. Et ça fait énormément d'aspects en même temps. C'est vraiment une nouvelle très très forte et qui ne ressemble à aucune autre, finalement, je crois. Eh bien voilà, une bonne raison de lire La couleur tombée du ciel. Si vous n'avez jamais lu Lovecraft, c'est un très bon point de départ. Merci beaucoup Raphaël de Cassagnac, merci Gilles Dumais, merci Bertrand Bonnet. Un mot rapide sur la pléthore de publications Gotland, justement par Fructus et Thomas Day, alias Gilles Dumais, c'est aux éditions du Bélial. Lovecraft au cœur du cauchemar, l'excellente monographie avec notamment Bertrand Bonnet qui a été publié chez ActuSF l'année dernière. Cthulhu, les créatures du mythe, c'est chez Bragelon. Fête Boref Cthulhu, c'est chez Bragelon également. L'appel de Cthulhu illustré magnifiquement par François Baranger qui vient de sortir encore une fois chez Bragelon et bientôt toujours chez ActuSF. Il y a un Ulule, un crowdfunding pour une biographie de Lovecraft qui s'appellerait Je suis Providence. Et encore une fois, retournez lire Lovecraft, allez lire dans ses traductions, ses nouvelles traductions chez François Bon aux éditions du tiers livre. On vous met tous ces liens là sur le fil Twitter de l'émission et il faut rendre hommage encore une fois au travail formidable de retraduction qu'a fait François Bon. Merci à toute la chouette équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomei, Milena Elig à la réalisation, Jean-Christophe Perrin, Christophe Michou, Benjamin Perru, Yvan Charby, Jean-Guilain Mège à la technique. Dans quelques instants, c'est le magazine de la rédaction. La semaine prochaine, je vous donne quand même un petit aperçu de ce qu'on vous a préparé dans le labo de la méthode scientifique. Lundi, on parlera du coma, comment accéder à la conscience chez l'inconscient. Mardi, la ruée vers le sable. Mercredi, sera question d'impression 3D. Jeudi, on parlera de Marie Curie, une pensée irradiante. Et vendredi, ce sera notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Voilà, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.